Les idées, ça se trouve et ça se perd. T'y prends, donne la donne et je serai l'excuse numéro 1, fini le chant. Je connais des gens qui ne sont reconnaissent pas information chez le TV. La vérité est dite, oh yam, je lance les dés, petits choix. Je connais les codes couleurs des voitures, bien j'y travaille. La fibre a changé avec la 6G universelle, je suis un conquistador. Terminator et mon Lexix. Jamais on verra une race de robots. Le cours du marché est affiché au jour. Amazon est au Canada. Ceux qui rejoignent les terres sont maîtres. Les avions savent décoller mais pas atterrir sur cette piste. Je suis capuchonné mais montre à tout le monde mon voyeurisme comme un touriste. Alger est posé, le Japon crée des movies vidéo, la vidéo future est encore ici. Je fais du tourisme mafia 2048, j'ajourne au journal que si que ça, vas-y vas-y, fais ça. Aucun présentateur en réel, virus injecté, tu manifestes que de la 3D dans Blender Infinity. Nouveau internet, nouveau moteur de recherche, je cherche. Le monde est en V2, couche d'ozone qui l'ozone d'Amazon. Je mets tout à l'infini comme Divinity. La vie est un jeu de rôle, la matrix des singes et femelles. La matrix des bits 0 et 1 et Intel avec AMD 158 Dell. Couche de processeur 53 de quiz, j'aménage chez moi. Le pôle Nord n'a jamais bougé, comme Las Vegas n'a jamais existé. Notre confort est hivernal. Les chats et chiens parlent avec les Peggy 70. La télé V2 est là, et les journaux aussi remplacent par des jeux télé. Si tu vas sur Facebook, tu trouveras des amis proches de chez toi. Hardcore Gamer est mon jeu, décor et le décor. Le rond-point des morts est la cata, l'Algérie sur le Maroc pour alterner. Je vis le jour et dors dans mes rêves, le nuit Freddy. Londres s'est agrandi sur agrandissement des ports. Je fume donc je tue, tout est flamme, tout est ombre, tout est magie, tout est fictif. Les décors sont plantés, tout est refait à neuf. Les meufs voient à travers off. Bouge pas d'un pouce, je t'agrandis en soucoupe volante de l'OVNI. Ça découpe des BTP, métiers officiels, on marche par commerce, tout bureau et usine. Restauration du système, dis-je, je prouve avec des codes Hardcore Gamer. Les grossistes, c'est nous, dorénavant à 1% de prix d'achat. Je fais appel à la poste Rapidos, livraison extrême par la porte des étoiles. On se rejoint et bien l'attention en vigueur à la bière.